petite. Basse pro juste avec la, le haut-parleur. Il va falloir mettre un, on peut choisir avec, voilà, on peut choisir, voilà, init, je sais pas ce que c'est init. Après il y a les classiques rock bass, le pick bass. Il n'y a pas de, eh bien, un limiteur. Ouais, j'essaye. Personne veut m'aider. Bass Pro Stereo. Ça sert à quoi, l'IRN? Ah oui. Ah oui, ça traîne. Press and play a lot, you can reset the volume automatically. Press and play. Compresseur maximiseur, ce machin là où il y a press and play learn, c'est ça, hein, c'est ça, hein, ce que tu dis là. Donc il faut que je le fasse. Et si je mets pas, et le stéréo, ça, stéréo, ça marche pas. Ah, celui-là. J'ai pris une autre cabine et j'aime bien celui-là, le 2051. Allez, je reste sur celui-là. D'ailleurs, j'aime bien celui-là. On est sur Peak Bass et 2051. C'est joli ça. Voilà. Control Room. C'est quoi ça, Control Room? Peu de basse en plus. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est en pic. Alors attends. J'ai pris les presets moi. Putain, pourtant il est à fond le ultra low, ultra high. Alors, pour ajouter les basses elles sont à fond hein, sur l'ampli. Attends, les basses. Ouais, mais sur le preset, là, les basses, elles sont à fond. Ou alors, faut... Attends, je vais essayer une autre cabine. N'importe quoi, je vais mettre un... Je peux mettre un AC30 sur le... Ça va aller mieux là. Alors, j'enlève mon truc. Ouais. il sature, putain. À fond maintenant. Et pourtant. Ah ouais, je comprends rien tout. En fait, c'est curieuse quand tu commences à essayer de toucher. Hein. Ouais, j'ai pas tardé à manger. Ouais. Pour une fois, j'essaye de comprendre comment ça marche au lieu de faire bêtement un preset. J'essaye de comprendre, mais. Là par exemple, pour l'instant, j'ai juste une lampe. Après, tu m'as dit de mieux là. Bon là j'ai remis un preset et j'ai enlevé les aigus. Donc en fait il y a juste un ampli avec la cabine, c'est tout. D'ailleurs c'est très bien. Pas d'effet, pas de fioriture. Après je sais pas ce que ça veut dire ultra high, ultra low. Là ils ont mis ultra low.